Bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Fraîcheur Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint Paul. Radio without boundaries. Alors, bonsoir, Olaf. Bonsoir, Caril. Dana n'est pas ici ce soir, elle travaille. Bon, bienvenue sur cette soirée pluvieuse. Et nous allons commencer tout de suite parce que, vous savez, tout le monde, nos auditeurs, que bientôt c'est le Halloween, la fête de Halloween. À vrai dire, ça n'existe pas en France. Pas du tout, c'est un attrape-nigaud, là, vraiment. Mais quand même, j'ai entendu qu'il y a des adultes qui vont de bar en bar, surtout dans les grandes villes, habillés. C'est une sorte de prétexte pour aller faire la fête, quoi. Oui, mais c'est un peu comme ici aussi. Il y a des adultes qui se déguisent et puis il reste très peu pour les enfants qui sont à la quête des bonbons et des sucres. Sauf les adultes cherchent autre chose. Oui, voilà. Bon, alors on commence avec une chanson pour Halloween, Paris Combo, Fantôme adoré. Et ça va être suivi par Médiumisons. Fantôme adoré, mon vampire familier, j'aime quand tu viens pour me hanter. J'aime aussi le doux cliquetis, cliquetis de tes chaînes. Ça me ravit, ça me ravit vraiment. Tu as du chien, du style très Baskerville de London. Barcelone, tu règnes sous les bas-fonds, et moi au fond de mon lit, je t'attends à Paris. Et puis tu grognes quand je t'appelle mon nom, ça te dérange, je te taquine. Je sais bien que tu es un monstre effroyable en colère pour un rien. Solaire, et tiens maison, montons le son de nos visions. Et tiens maison, montons le son de nos visions, mais tiens maison. Blanche à clous acérés, que sont mes souvenirs sur lesquels je me couche en valeureux fakir. Chaque jour qui se lève ne veut rien effacer. Je veux du virginal, du qui romancier. Et je vise aujourd'hui un temps qu'a l'air m'envie de science-fiction que je lisais enfant à bâtir. Je m'applique mes paniques à ne voir rien venir. J'ai peur de la fadeur d'un quelconque avenir. Me balancer au loin ou me catapulter, m'arracher du présent et quitter l'imparfait. Il me faut une trêve, que demain soit un rêve et qu'il soit l'Houdini de l'Oniroudini. Well, we heard Paris Combo with La Belle de Berry singing one, Fantôme Adoré, and then the other one was Midi Maison. these were supposed to be scary introduction to the week that has Halloween in it, but they didn't sound so scary. They sounded no. rather interesting and rather nicely rhythm, so you could sing along. I mean, none of these ghostly howls and shrieks and whatever. But basically, I mean, what she says about the fantôme adoré is she likes... the reason why she calls this person the fantôme adoré is this person... travels around the world, she never knows where he is, but she would like him to be at her side. But obviously, it doesn't work that way, all the way. In Medium Mission, well, it's again, it's she sings about how she, as a child, was interested in robots, in all kind of, well, not supernatural, but super technical material and topics, and that she is trying to get back to this or get some relation to her earlier interests. So, well, these, as far as this is about, as far as I can think of anything that would go into Halloween or any scariness. Oh, they don't. That's not part of the background in France. No, it's not part of the background. Of course, I mean it's just a certain what should I say? Greeting card companies pushing all of these things in order to have people greet them by their Halloween prefabricated costumes. So, but anyway, it's not. You're saying France, it's never been anything in France. In continental Europe, it's never been anything like this in Germany or anywhere else, but they all latch on to this and are happy to follow suit. The only one in Europe, of course, where Halloween really started is Great Britain. And especially Ireland, I believe. No, well, the jack-o'-lantern came from Jack-o'-lantern, Ireland. And that's where it comes from. But anyway, let's not be picky about these things, and let's go on to the next one. I wanted to say something about there are five people, Belle du Berry, who writes all the music and sings it. Amazing, talented person. She is married to the trumpet player David. Patsy, the guitarist, who looks quite a bit like Django Reinhardt, with his little mustache, and Francois, who is, well, I forget what he plays, drums, I guess, and a new person, I don't know his name, who is on the bass. Who just came, I mean, joined not too long ago. Because there was another one before. Yeah. Well, and they are actually on tour. I mean, it's unbelievable. I mean, they go all over, not only this continent, but Europe, but Asia, China. I mean, this is quite the thing. And the closest they come to us here is in Toronto. That's already gone. But through the Alliance Française. And then they're off to France, Le Vésinet, in Czechoslovakia, Berlin. Wow, this is quite I think they're coming back. It said U.S. tour on that. Sometime, yes, there will be something in April or so, seems like. All right. This was Paris Combo and La Belle du Berry. Quite a few years back, we interviewed them here on Bonjour Minnesota, or at least Belle du Berry and Patsy. While they were in at the Dakota. Yes, well, before that, when they first came, even, we yes, were at yes. the Cedar. When they were at the Cedar, mm-hmm. And she had a little baby or something like yes, this. She it was did. Kind of she had to take care of. Yes, in the back. Who kept her father awake all night? To David, the trumpet player. He looked like his eyes were very red. Alors, on va continuer? Oui. Oui, alors, d'abord, il y a une annonce à faire. The Internet Geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Alors, maintenant, on va écouter quelqu'un du passé, Juliette Gréco, qui est toujours en vie et qui chante des concerts encore. Elle va vous chanter « Sous le ciel de Paris », suivi par « Qu'on est bien ». Sous

d'une personne du genre qu'on n'a pas, qu'on est bien dans ses bras-là. Les creux pour les bosses, tout finit par se marier, les bons pour les rosses, et même les colombes avec les éperviers, qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé, qu'on est bien dans ses bras. So we heard Juliette Gréco first in Sous le ciel de Paris, in which she, of course, sings the skies of Paris, which can be mostly blue and are very conducive to the lovers who are strolling along the Seine River. But then sometimes she gets jealous of all of these millions of lovers, and then the sky flashes with thunder and so on, but she never really gets very mad very long. So after a rain and thunderstorm, there is a arc en ciel. There's a rainbow to tell people that everything is okay. The second one is qu'on est bien dans les bras de quelqu'un du sexe opposé is a song that was somewhere in the late 50s and late and in the late 50s. It was very popular. I think in 2015 maybe the text will have to be changed a little bit to be streamlined on est bien dans les bras de quelqu'un, de quelqu'un qu'on aime, oui, n'importe qui, mm-hmm. Okay. But here, we're not here to what do you call it? Thought control, or text control. Anyway, so this was qu'on est bien. And apparently, I mean, the way she sings it, you are really well off if you are in the arms of someone that you like, that you aim. Okay. Juliette Gréco, she was actually, I mean, this was, the song was in the 50s, but she was active, I mean, right during the end of the war, I mean, World War II, mm-hmm. at the end. So she has had a long and distinguished career, and now she is over 90, I think. Is she really? Yeah. She's over 90 and still appears. I know a friend told me she had a concert in Berlin last year. No, it's absolutely fantastic. Singing keeps you young. Charles Aznavour is the same thing. He has brought out his last album, and the mm-hmm. and the guy is still going. I mean, and he is also over 90. So, listen to KFAI and Bonjour Minnesota and sing along, and singing may keep you fresh and young for up to very long, very high age. Merci, Axel, de téléphoner. Thanks to you, Axel. We will play, I know I have one by Jackie Terrisson. I'll look for the other one that you asked me about. Maintenant, on va écouter Michel Sardou. Il chante une chanson qui s'appelle Le France. Alors, qu'est-ce que c'est Le France? Vous allez voir. Et ça va être suivi par Yves Montand, d'une chanson qui nous vient de RFI, Radio France Internationale, qui s'appelle Les Routiers. Alors, RFI nous envoie sur des sujets différents, et cette fois, c'est les routes. Alors, d'abord, Michel Sardou. «

J'étais un géant, j'étais presque, presque aussi fort que l'océan. J'étais un bateau gigantesque. J'emportais des milliers d'amants. N'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. Quand je pense à la vieille Anglaise qu'on appelait le Queen Mary, je ne voudrais pas finir comme elle sur un quai de Californie. Que le plus grand navire de guerre ait le courage de me couler, le cul tourné à Saint-Nazaire, pays breton où je suis né. Elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. So what is the Wave Project? It's a celebration of Frank Zappa. Dungeons, dragons. Goldfinger. By comparing modern science with ancient Indian Vedic scriptures. As we tackle autism and football. The possibilities are endless. You provide the idea and host your own show. We provide the engineer and promote it during the week leading up to your show. Visit our website at kfai.org/waveproject. For more information and an application to host your own one-hour radio program. The Wave Project. It's anything you want it to be. Well, you were treated to an extra by Michel Sardou. This was La Maladie d'Amour, which isn't really a sickness, but it is kind of, you are kind of depressed and you really are longing for, it's a longing for love. And then, of course, he describes the person that he is in love with, and that's a young girl with blonde hair. And it's you can feel why he is so nostalgic about her. The second one is Le France, and first of all, you think is this a typo? Shouldn't it be La France? But no, it's Le France, and that's the name of one of their practically the most elegant and luxurious ocean liner that existed at the time. So the Sardou then sings about her. He sings about Queen Mary. Queen Mary, the boat that is, or that vessel that is actually marred at it's in Los Angeles in California, and you can go and have weddings or all kind of parties there if you have the money. But it's simply sitting there at the dock, and he sings of La France. He is totally up in arms that they have just left her and essentially for to scrap iron or whatever happened to it. I don't know what happened to the Well, France. I mean, but this was the fate of all of these luxury liners. Mm-hmm. The U.S. I saw United, that on TV the other the day. The United States was, absolutely I think, gorgeous. The gorgeous boat. And it was also decommissioned, and then I think it was sold to Norway or some other country, and then essentially taken apart. And I saw pictures of it. on TV the other day. And what are they going to do with it? I don't know what they're... There was a TV report recently. And it was so sad looking because I had once taken the United States and it was just beautiful. No, right. I mean, this is what happens to... And then the other... There were Queen Mary and then there were a number of Dutch boats. Well, they all have gone the way of the scrap iron yard. So, anyway... Michel Sardou is, of course, is not in agreement with this, and he says, don't ever mention Le France to me since you've been treating her so badly. Well, c'est triste. Donc, maintenant, on va continuer avec Yves Montand, et les chansons qui suivent sont sur la route, et le titre de cette chanson, c'est Les routiers. Truck Drivers. Et ça va être suivi par une chanson que est bien connue, Charles Trenet, qui a écrit cette chanson, Route Nationale 7. C'est la grande route qui va du nord jusqu'à Côte d'Azur. Jusqu'à Marseille, oui. Ouais. Par la ville de Sète. Oui, aussi. La route est un long ruban qui défile et se perd à l'infini, loin des villes. Le routier à son volant, quitte rapide, n'a jamais, jamais le temps de regarder le firmament. Le jour se lève et décline sur la route qui chemine. Il doit pousser sa machine car c'est là qu'est son usine. Ignorant les autres routes qui s'en vont en musardant, le routier n'a jamais le temps de se perdre dans les champs. Si tu veux vivre longtemps, attention à ton volant. Car la route se défend. Si tu rêves un seul instant sur l'herbe tendre du printemps, le talus est engageant. Mais c'est le fossé qui t'attend si tu t'endors au volant. Si tu vois à l'horizon des mirages, c'est le moment de faire attention, car il y a de sacrés virages. De temps en temps, il y a des villes, on y dort, tout est tranquille, tu les réveilles en passant, dans ton gros camion hurlant. Le copain dans sa couchette rêve au-dessus de ta tête, si le temps te paraît long, allume une cigarette. Tous les jours de la semaine et par n'importe quel temps, ta route est toujours la même pour livrer ton chargement. Si tu veux vivre longtemps, attention à ton volant. Car la route se défend. Si tu rêves un seul instant, la route est un long ruban qui défile et se perd à l'infini, loin des villes. Le routier à son volant, quitte rapide, n'a jamais, jamais le temps de se perdre dans les champs. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop. vers les rivages du Midi, National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. All right, so we heard, first we heard Yves Montand in Les Routiers. And this also was at the time when truck drivers were romanticized. And these were the captains of the roads, so to speak. And he pronounces a warning. Hold on to your wheel. Keep your eyes on the road. Don't start thinking about other things. Don't fantasize. Don't dream, because the road will take its toll. And you actually, he says, you don't even have time to enjoy the landscape through which you're driving. But because if you just take your eyes off just a moment, you'll be in the ditch. And those French ditches and the old roads and the old National were something else. They were lined, these were deep ditches to keep the roads from flooding. And then they were lined with poplars, trees. Mm-hmm. So if you missed a tree, then at least you were in the ditch. Or if you missed the ditch, then you still could hit the tree. I mean, there was a terrible accident last week. Did you hear about that, Olaf? Yeah, the 47 people. But that's not, I mean, not on a road like that. I mean, these roads. Yes, it was a little side road. It was a little side road. Okay. Mm-hmm. Yeah. Well, I mean, no, it's they can be terrible, and you better watch out if you ever drive along those roads. Now, obviously, on the highways, on the Péage, route de péage, you don't have this problem, but then you pay. The second one was the Route Nationale 7 by Charles Trenet, and it's one of his signature songs. I mean, he really likes Route Nationale 7. You go from Paris down to Valence, down to the Mediterranean, and he says, well, however you take number 7 by car or by auto stop or however, whatever. I mean, it gets you to these interesting places. And then he has a lot of kind of word plays on Set, on Seven. There's a town through which you have to go, which is called Set. I mean, it's written S-E-T-E. But I mean, in singing, it comes out like Set, Seven. And then he talks about the girl who was accompanying him. Her name is Lisette, little Elizabeth. But this Lisette is, again, rhyming with the National Set. And then she has these little dimples when she laughs, which are called Risette. So again, here we are back again to the Set and to the route National Set. And it's his preferred route because it goes through the most beautiful parts of France, which is La Provence, and also Burgundy. And what do you have in Burgundy? Well, that's where you have some of the best wines that come out of France. So anyway, this was Charles Trenet. Alors maintenant, on va écouter... Qui c'est maintenant? Ah oui! C'est Francis Cabrel qui va vous chanter Chauffard, suivi par Francis Cabrel, Ma place dans le trafic. Les bandes blanches qui défilent, y'a ta vie qui s'accroche à son fil. Toi t'es dans la zone rouge du compteur, mais tu ne t'occupes plus des couleurs. Il faut surtout pas que tes mains tremblent, y'a les troncs des arbres qui t'attendent, même dans les passages difficiles. Y'a les bandes blanches qui défilent, y'a le vent qui siffle sous les tôles, et le cri des pneus quand tu décolles, et derrière toi la nuit qui retombe sur le sillage étroit de ta bombe. Est-ce que c'est ton cœur qui fait hurler la machine, ou bien le moteur qui bat dans ta poitrine et qui propulse ton projectile entre les bandes blanches qui défilent? Toi t'es un chauffard, toi t'es un chauffard. Tu veux voir le monde autour dans des brumes liquides, mais c'est pour ça que tu cours toujours sur la voie rapide. T'es un chauffard, t'es un chauffard. Tu pousses la musique jusqu'au plus fort pour pas sentir les doigts de la mort, et ni les chiens qui aboient dans leur sommeil, ni les hommes de loi que tu réveilles. Tu vois quelques taches claires sur le dos des camions, quelques mots de travers sur des panneaux bidons. Ton sang fait monter les aiguilles jusqu'au rouge des feux que tu grilles. Toi t'es un chauffard, toi t'es un chauffard. Tu veux voir le dans des brumes liquides, c'est pour ça que tu cours toujours sur la voie rapide. T'es un chauffard, t'es un chauffard. Tu dis que tu connais ton nom par cœur, tu préfères le son de ton moteur, que si jamais personne ne t'arrête, tira te crache marcher sur le fond de la planète. Et tu dis que tu vibres quand les virages s'avancent et que la vitesse te laisse ta chance et que t'es jamais aussi tranquille que quand les bandes blanches défilent. Toi t'es un chauffard, toi t'es un chauffard. Tu veux voir le monde autour dans des brumes liquides. C'est pour ça que tu cours toujours sur la voie rapide. T'es un chauffard, t'es un chauffard. Laissez rêver l'enfant qui dort aux fumées bleues des châteaux forts. Laissez-lui démonter le ciel. Dehors c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Coin des rues comme des frontières et toujours penser à se taire. La ville encerclée sous le gel. Depuis c'est toujours pareil. Le temps malmène ces hommes qui traînent de leur corps, leurs phrases vides, leurs larmes sèches, leurs années d'efforts. Les rues de Gdansk où le givre s'avance et la patrouille dehors. C'est à peine si les pavés résonnent sous le pas lourd des moitiés d'hommes. Les mains fermées sur leur colère, les yeux comme privés de lumière. Peut-être un jour, si Dieu s'en mêle, la pluie remontera au ciel. Vers nos immobiles remords. Mais c'est toujours pareil dehors. Le temps malmène ces hommes qui traînent le poids de leur corps. Leurs phrases vides, leurs larmes sèches, leurs années d'efforts. les rues de Gdansk où le givre s'avance et la patrouille dehors. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90,3 FM à Minneapolis et 106,7 FM St. Paul, Radio Sans Frontières. Alors, maintenant, on va changer. Il faut dire l'heure. Ah oui, il est à 21h, il est 9h le soir. 9:01. And this time. Central time. Central time, and this daylight. Time Paris is 3 o'clock. Well, they're already on. They are already on summertime. No, regular time. And we will follow next weekend. But right now, for about a week, we are only 6 hours apart, not 7. And what you heard was Francis Cabrel in Chauffard, in which he describes how this guy is driving along those white demarcation lines on the road, and how he is going like mad, and he goes through very sharp turns and aiguilles, meaning these are needle turns, and the guy drives, and then his heart beats, and he doesn't know, is it the motor that is kind of setting the pace, or is his heart doing this? And he is a chauffeur. And chauffeur is not a, it's not a very... C'est péjoratif. It's un peu péjoratif. It's not a very flattering designation of a driver. But, I mean, we all know this, because everyone else, while you're in traffic, everyone else is a chauffeur. I mean, this phenomenon of having people who have no idea what they're doing, and the only one is yourself. C'est vous-même. Okay, and the second one was Ma place dans le trafic. Here again, it's kind of humorous about how he weaves in and out of traffic and how he gets along in the traffic. And, well, anyway... So these two songs were given in public, and the applause, of course, showed how it touched these kind of themes touch the driving public, who probably all of them had driven to those concerts. Donc maintenant on va écouter. Voilà, ça nous vient de RFI, et ça s'appelle Dans ma rue. L'artiste est J. Papé, je crois. Oui. Connais pas. Et ça va être suivi par La Tordue, La Rose et... ça va être suivi par Smokey qui chante On passe à l'attaque. Voilà. Ceux et celles qui ont eu la chance de connaître l'enfance heureuse. Quelque chose de ressenti, une histoire de ma propre vie. Je me revois dans ma rue, j'ai 10 ans. Je la descends par un beau matin de printemps. amis, les parents que j'ai perdu de vue depuis si longtemps. Enfoui dans mes souvenirs, l'image du bonheur que j'ai vu ressurgir. J'avoue que je ne l'avais pas vu venir. Dans le regard d'un enfant et le ciel bleu de son rire, je me dis tu dois aller de l'avant. Tu dois de ta vie tous les jours être content. Tu te dois de vivre le bonheur au présent. Oui, mais la question qui reste posée, c'est comment. Je me revois dans ma rue, j'ai 10 ans. Puis je la descends par un beau matin de printemps. Ouais, je me revois saluer les amis, les parents. Depuis si longtemps, sont-ils revenus ou sont-ils passés? Il me faudrait les retrouver. Tu le sais, la nuit, ferme enfin les yeux, je me replonge dans mon passé. Je revois nos terrains de jeu, le peu d'espace qu'on nous laissait. Nos décors les plus merveilleux, c'est à la craie qu'on les traçait. Nos exploits, nos plans foireux, où ça passait, où ça cassait. Ça cassait souvent d'ailleurs. Ça cassait souvent d'ailleurs. Je me revois dans ma rue, j'ai 10 ans. Et je la descends par un beau matin de printemps. Je me revois saluer les amis, les parents que j'ai perdu de vue depuis si longtemps. Dédicacé à tous les papas, à toutes les mamans, à toutes les familles, à tous les amis, à tous les voisins, à ceux qui se bougent dans le quartier, en plus de convivialité. À tous ceux qui essayent de faire bouger les choses autour d'eux, partout où ils sont. Un peuple qui craque en une nuit blanche, une danse de tract que personne ne flanche. Un peuple qui craque en une nuit franche, une danse d'attaque. On passe à l'attaque, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action. Mieux vaut tard que jamais, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action. Aussi longue est la nuit, le jour fera son apparition. On passe à l'attaque d'accord et c'est tout le pays qui s'affole. On ferme les écoles, on sort les pancartes et les banderoles. Partout dans la ville, il y a dans l'air de l'excitation. La place de la nation deviendra place de la révolution. On passe à l'attaque, mort aux vaches et aux tyrans d'abord. Aux ennemis du peuple, à la bourgeoisie comprador. On sait ce qu'on veut, allez leur dire que vivre en révolutionnaire, c'est mourir en révolutionnaire, les armes à la main. On passe l'attaque, camarade, mais pourquoi donc attendre encore? Soyons réalistes et demandons-leur l'impossible. À part la société spectaculaire et marchande, le droit de vivre, certes, ne se mendie pas, mais se prend. Et c'est une foule multicolore qui se déplace enthousiaste à l'idée que la menace a changé de camp et de place. Et c'est une foule décidée qui réclame et qui gueule. CRS-CS, prends le pavé dans ta gueule. On passe à l'attaque, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action. Mieux vaut tard que jamais, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action. Aussi longue est la nuit, le jour fera son apparition. On passe l'attaque, d'accord, mais dès qu'on arrive à destination, le face-à-face, tant redouté, n'a plus rien d'une fiction. Les forces du désordre sont armées et bien casquées, menaçant enragées comme un troupeau de buffles blessés. On passe l'attaque, y'a de l'électricité, de la rage. La détermination en clair se lit sur tous les visages. C'est à ce moment-là seulement qu'une barrière est défoncée au cri de balayer tous ses ennemis de la liberté. On passe l'attaque, le rat de marée est rendu possible, parce qu'une certaine opinion éclairée se disait insensible. Et oui, le rat de marée est rendu possible par ceux qui d'habitude font de dociles et faciles cibles. On passe l'attaque directe sans emprunter l'ascenseur ni même le couloir. On prend juste le pouvoir, repartir à zéro. Pour un temps on va y croire, pour une fois que l'espoir est venu des sans-espoirs. On passe à l'attaque, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action. Mieux vaut tard que jamais, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action. Aussi longue est la nuit, le jour fera son apparition. On passe à l'attaque, après une nuit blanche. Une danse de black dont on ne voit pas les dents blanches. On passe à l'attaque après une nuit blanche. Une danse de black dont on ne voit pas les dents blanches. Une danse de black dont on ne voit pas les dents blanches. Une danse de black dont on ne voit pas les dents blanches. Une danse de nègre au pays des hommes intègres. Well, we heard two choices that were sent by RFI, and the first one, Dans ma rue, in my street, by Papet G, is a reggae. Mm. So these were excerpts. So this was a selection of French reggae's, and this was one of the examples that actually. You found the reggae sound, and there are many more, which apparently, I mean, there are a number of French singers who have adopted this style, and we may hear more about them in later shows. The second one that you heard was On passe à l'attaque. It's a song for, well, a revolutionary song for a Central African country which was trying to overthrow the government, the corrupt government that was doing everything at the behest of the colonists and so on. So it's and this is more of a beat rhythm. And obviously they are repeating themselves all the time. They would pass out attack. We're going to strike. We're going to attack them. We are going to, after a night without sleep, we are going to go and fight for our freedom, etc. So these are just two examples of some of the other programs that RFI is sending to be heard at French-speaking shows in around the world. Merci, Olaf. Alors, un peu de tout pour tous les goûts. Alors, maintenant, on va écouter c'est Jean Ferrat. Non, La Tordue. Ah, c'est La Tordue d'abord. OK. Et La Tordue va chanter La Rose et la Réséda. Et on joue tout de suite après Jacques. Oui, c'est parce que La Rose de Céda, c'est un poème d'Aragon. Et puis Jean Ferrat va chanter des poèmes d'Aragon. Donc ça,

il a dit aux femmes et qu'il taise le nom qui ressemble à la braise, à la bouche rouge, à la fraise, à jamais dans ses dents formées. Heureux celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer. Il a dit aux femmes et s'achève ainsi la vie, ainsi le rêve, et soit sur la place de grève ou dans le lit accoutumé. Jeunes amants, vous dont c'est l'âge, entre la ronde et le voyage, fous, ces parions qui se croient sages, criez à qui vous veut blâmer. Heureux celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer. We heard two poems by Aragon, Louis Aragon. The first one by sung by La Tortue, La Rose et le Reseda, and the second one by Farah, Happy the One Who Dies Loving. The first one, La Rose et le et la Reseda, is a song that Aragon wrote in 1941, during the war, and basically it has to do with the people who are in the resistance and who are trying to, well, liberate France from the German occupation. And these were resistants. But as in much of France is kind of split in two. There are those people who believe, I mean, ceux qui croyant en au ciel, and the others who are not, ceux qui ne croyaient pas. And this, the ones are linked to the Catholic Church, and the other ones to the more or less to the leftist communist parties. But in their fight, and that's what the poem is about. In their fight, they are both trying to obtain the same goal, and they have to work together. When they are shot, their blood is red, as red from one as the other. And then he sings about the beauty is standing in the citadel, as it has been incarcerated. And when, as they approach, I mean, the watchman fires, and they die. So basically what it is, he tries to make a point that for the fight of liberating France, it doesn't matter whether you are a communist or whether you are a staunch supporter of the Catholic Church, which is the main church in France. Then in 1943 or 44, he actually dedicated this song to four martyrs, to four young people who had been shot, two Catholics coming from the ranks of the church, and two communists. As a gesture, as to underline that really for this, for their fight, it doesn't matter whether you believe or don't believe, but you have to believe that your fight will bring results and liberate France. And the second one was more of a happy one. It was Jean Ferrat who sings Happy the One Who Dies Loving. And, well, I mean, this is, I mean, but anyway, I mean, considering all the other possibilities, I suppose that is still a pretty good way of ending it. and the first song by La Tordue is crisp and raucous. And then you have, as a countermeasure, Jean Ferrat, who has a very smooth voice, and who also has put to music many of Aragon's poems. And he himself was a communist at one time, but he has a very smooth voice. And we will hear, I think, two more from Aragon. Mais d'abord, une annonce. We have announces, yes. The Internet Geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. I comes from the electric fetus. Your local record store for over 47 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin or at efetus.com. Alors maintenant, on va écouter Jean Ferrat. D'abord, il va vous chanter Dans le silence de la ville, suivi par Les poètes. Les lilas. Les lilas. Aragon. Les poèmes d'Aragon et le chanteur est Jean Ferrat. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Derrière les murs, dans la rue, que se passe-t-il? Quel vacarme, quels travaux, quels cris, quelle larme. Pour rien la vie, un linge est cru. Sèche au jardin sur une corde. C'est le soir, cela sent le thym. Un bruit de charrette s'éteint. Une guitare au loin s'accorde. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Il fait jour longtemps dans la nuit. Un zeste de lune, un nuage. Que l'arbre salue au passage. Et le cœur n'entend plus que lui. Ne bouge pas, c'est si fragile. Si précaire, si hasardeux. Cet instant d'ombre pour nous deux, dans le silence de la ville. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la.

cat is sleeping, the swallows are flying through the air. The observations are very typical of that of a poet who tries to make this into some rhyme and reason to convey his impressions of the landscape, of both the landscape, the exterior landscape, as well as the interior landscape of the poet himself. Merci, Olaf. Here's some announcements from, several different places tonight. The Alliance Française, of course. They are now offering a mini session. You can register for a three-week class leading up to the holidays. They will run from November 30th through December 19th. You can take a three-week review or learn about something new. Let's see, who else here? Tuesday, well, that's today. I don't think we better announce that. That's going on now. Sylvie Tissot is a professor at Paris 8 and is speaking now, probably as we speak. We are speaking. On Thursday, the 29th, Visite Guidée en Français. Join guide Florence Voiclet for a tour in French of the Eugène Delacroix exhibition at the Minneapolis of Arts. There is limited space reserved for Alliance Française members only at this particular one. You must have a minimum intermediate level, 3. There will be more dates online. They are also offering a 3-hour workshop highlighting Delacroix, and next week we will be featuring the curator of the Delacroix exhibit, Patrick Noon, who will speak here about the exhibit at the Minneapolis Institute of Art. Delacroix, who the founder kind of the modernist movement, he portrays him in this exhibit as the father of Impressionism and Modernism. Coming in November 11-4 from 6 to 8, Navigateur de la Littérature Intermediate Level Book Club. They are now reading Au Bonheur des Dames by Émile Zola. This Saturday, the 7th, from 9 to 11 at the Alliance, Petit Déj Breakfast Conversation Group. It's a lot of fun. Food served by Bread Smith, coffee, jam, whatever you'd like for your breakfast. That's the 11th from 9:30 to 11:30. Friday, the 9th from 7 to 8:30 p.m., Authors on Tour, Erijane Senac, a French political analyst, will discuss inequalities as a threat to democracy in France. It's in French. If you would like to evaluate your French level, the Alliance will be offering the DELF, or Diplôme d'études en langue française. It's an official qualification awarded by the French Ministry of Education to certify French language competency for non-native French speakers. This is valid for life. Register starting next week, that's this week, for the exam session in December. The exam will take place December 7th through the 10th with registration from October 26th, that's yesterday, to November 27th, if you'd like to register for this. Give to the Max Day is coming again, Thursday the 12th. The Alliance would be very happy to receive your donations, as would KFAI. Donors can win prizes, and one donation will be randomly selected to receive an additional $10,000. So if it were you, you make a donation to either Alliance Française or KFAI, and you are the winner. $10,000 would go to either of those organizations. Raffle to support the Fédération Alliance Française. You can purchase raffle tickets and win some great prizes. Tickets are $10. Oops, I wasn't supposed to say money here. Prizes include classes at the Cordon Bleu in Paris, a book on Paris cocktails, subscription to online French TV, and did you know that you can receive French TV here? That's a really great advantage. Helps you learn, too. And subscriptions to the French Wine Society. Go to the Alliance Française. Bonjour at Alliance AAFMSP, and you will see more things you can click to donate on there. Coming up, oh, I would love to hear this. Gad Elmaleh is coming to the Cedar Cultural Center December 15th at 7:30. Unfortunately for us, that's a Tuesday, so you can go and see and hear more. He's like, he was called the funniest man in France and received Le Palme Académique for being so very funny. This is all going to be in English, but I'm sure once he gets started, he's going to be really going great. A mini session coming up November 30th through December 19th. Sign up for a 3-week class or a 1-day workshop. You can join Denis in reading this year's Federation pick, Le Chapeau de Mitterrand, or learn about Napoleon. Speaking about Napoleon, there is a Treasures of Napoleon exhibit October 8th through the 10th at the Minnesota Centennial Showboat in St. Paul. There is a discount for members of the Alliance Française. Simply take your membership card to the ticket office. It's a spectacular traveling exhibit, shows fascinating story of Napoleon, and has world-class art and design of his time. That's once again at the Minnesota Centennial Showboat in St. Paul until January 10th. Other classes for learners, beginning review Thursdays at 6 to 8. French for travelers, Tuesdays from 6 until 8, or Fridays from October 23rd to November 20th, 10 a.m. to noon. Call them and see. I'm sure you can still get in. Upcoming workshops on Eugène Delacroix, now showing at the Minneapolis Art Institute, and class on pronunciation, Saturday, November 7th, from 1 to 4. For teachers, I am sure that you can probably use this for your continuing education credits. The last two home games for the Minnesota United soccer. Well, there's one game, the very last one, Saturday, October 31st, at 7 p.m., that's Halloween. Members of the Alliance can receive a discount on tickets. It's a French night. They thank you for coming out and cheering the team on, and cheer them on at the October 31st. You can purchase your tickets by calling, or I would call the Alliance Française. Jean Epstein, The Intelligence of Cinema, November 4th, will be the last date for seeing his works at the Walker Art Cinema. Alliance Française members again receive a reduction, a very reasonable price for that. Who he was? Well, Epstein was an important person in early film history. He was an assistant for Auguste Lumière. That must have been in the 19th century. And was a friend of Jean Cocteau and briefly had Luis Buñuel as an assistant director while navigating from silent to sound films. That's at the Walker through November 4th. And let's see. Well, lots of things going on for the new chapter of the Alliance Française in Rochester. The next event will be Saturday, November 7th, from 9:30 to 11:30 at the People's Food Cooperative. So if you're a Rochester person and are going to be there on November 7th, go to the People's Food Cooperative and talk French and have a cup of coffee and a nice pastry. Many, many volunteer and other jobs, paid jobs, are in the Alliance Française listing of the journal. So I advise you to check that out. And let's see, is there anything else we need to know? Well, the moving company sends us, the moving company are the former members of the La Jeune Lune. Moving because they go around to various theaters. And they need to do a fundraiser. They're doing it on the Kickstarter page for their upcoming show, Liberty Falls. 5, 4, 3, 2, 1. Pitch in whatever you can and share your page. They have not, thanks so much, they say, for everyone who's donated, but we have a bit of a climb before we reach our goal of 15,000. So, Are these the successor of La Jeune Lune? Yes, they are. Who is, does it say any? Not in here, but I think it's Stephen Epp and Dominique Serrant. Okay, yeah. So let's see if they have an address where you can look onto it. No, I guess you're going to have to find it yourself. Yeah, well, if they're moving, I mean. The moving company, Kickstarter. Go over to our Kickstarter page. Yes, I believe that's. Go to the moving company and look for their Kickstarter. And that's about it for announcements. Et voilà. Revenons à notre musique. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? C'est Georges Brassens. Alors, qu'est-ce qu'il va nous chanter? Le nom de monde en mariage. Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau. Nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs aux queues des casserole. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Vénus se fait vieille souvent, elle perd son latin devant la lèche frite. À aucun prix, moi, je ne veux effeuiller dans le pot-au-feu la marguerite. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. On leur ôte bien des attraits en dévoilant trop les secrets de Mélusine. L'encre des billets doux pâlit vite entre les feuillets des livres de cuisine. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture. pure. La jolie pomme défendue, mais elle est cuite, elle a perdu son goût nature. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. De servante n'est pas besoin, et du ménage et de ses soins, je te dispense. Qu'un éternel fiancé à la dame de mes pensées, toujours je pense. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Oh, une annonce. KFAI is proud to sponsor Baji Asaj and Adrian Legg at the Cedar Cultural Center on Thursday, October 29. Baji Asaj is an extraordinary singer, songwriter, and guitarist from Brazil. Adrian Legg is a brilliant guitarist from England. They'll share their diverse musical styles on the Cedar stage. More information is available on the events calendar at thecedar.org. Alors voilà une disque de, c'est Michel Sardou, n'est-ce pas? Et c'est dédicacé à Louise, notre amie. C'est Michel Sardou qui va vous chanter Louisette. Et je sais que quand elle était petite ou jeune, au moins, très jeune, on l'appelait Louisette. Voilà pour toi, Louise. Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon. Les yeux qui brillent un peu mouillés comme une feuille, quand la rosée s'installe au fond des petits jardins. À la levée du jour, quand pleure le matin. Louisette, ma Louisette, tu viens de notre siècle, où seules quelques ombres hors du temps, hors du cercle, à la lueur du feu t'accompagne jusqu'à l'heure. Que t'attends dans le soir, que tu languisses un peu. Les jours et les dimanches te semblent longs en mer, et tes doigts fatigués raccommodent ta misère. Les jours et les dimanches te semblent longs en mer, et tes doigts fatigués raccommodent ta misère. regard triste de ceux qui vivent trop tard, sans amis, sans famille, elle est vieille et à pas, à la tombée de la nuit, quand les volets se ferment. Elle attend que le temps donne compte à son terme. Louisette, ma Louisette, je voudrais que tu me dises, quand t'étais jeune et belle, au temps du temps des cerises, parce que j'ai vu hier soir sur ta table de nuit une très vieille photo où tu riais, mamie. Les jours et les dimanches te semblent longs en l'air, et tes doigts fatigués racontent ta misère. Les jours et les dimanches te semblent longs en l'air, et tes doigts fatigués racontent ta misère. Ah oui, we heard Brassens in La Non-Demande en mariage, the non-proposal for marriage, and basically what he sings, he's the eternal fiancé, and he sings about, well, all things that happen, the pot-au-feu is not so good anymore, and various kind of things he thinks are not really conducive to actually asking for her hand in marriage. So he says, we are not going to sign this sheepskin or this document and become married. Anyway, I mean, this is Brassens. And the other one was a song by Saga. It's called Louisette, and it talks about a, well, the fate of a young girl in Paris in the 20s or so, I mean, which had to work both, well, Sundays, weekdays and Sundays. And she, she has to work hard in order to kind of make ends meet. So that was the situation of many girls in and people in Paris in those, in the days, well, still is probably, if you want to check today's situation, economic and other. All right. We are getting pretty close. Oh, we. To the top of the hour and leaving. You have been listening to Bonjour Minnesota. And we'll hope that you'll tune in next week. Au revoir tout le monde. Oui. And for Axel, he wanted to hear Jackie Tarrison. I have just one wonderful pianist, and you'll recognize the song. Que reste-t-il de nos amours? Au revoir, until next week, stay tuned for the Balkan Jamboree.